de la poussière, mais elle vit pas, elle veut profiter et prendre la fuite. Je m'a donné, je le remercie, fidèle à l'équipe comme Xavi. Tu me surveilles comme un fétiche, si tu fais le fou, on va pas les bruits. Je me protège, moi je suis béni, toi t'as trahi, tu seras maudit. Pour la famille, moi y'a pas de prix, ça investit dans le textile. Y'a rien dans la jungle, c'est bien du mal en eux. Y'a rien dans la jungle, c'est bien du mal en eux. Voilà des acteurs, voilà des acteurs. C'est Dieu qui donne, je remercie. Et pour ton avis, au lieu de polémiquer, vous faites la vie. Le talent est là pour quand tu négliges. Et quand il y a le succès, faut pas jalouser. C'est Dieu qui m'a donné sans pas dégoûter. Sans pas dégoûter. Si tu dis que tu es si que ça donne ça, oh. Mon cas, ça brûle ça, oh. Et toi, là, ma belle, ça, oh. On va s'en aller, ouais, c'est ça, oh. On s'adonne sans mignon garçon, on s'adonne sans les jolis deux, on s'adonne sans à tout est bon, on s'adonne sans mignon garçon.